Alors, quelques planches anatomiques pour que vous ayez une vue. l'âme a une vue intérieure du cœur, isolément, sans le médiastin, sans rien autour. Et on a ce très fin feuillet, c'est le feuillet pariétal, le feuillet viscéral, pardon, qui adhère au cœur. Et par transparence, on peut voir la graisse épicardique et les vaisseaux, les nerfs, etc. Donc ici, vous avez quoi? Le départ de l'aorte. Ici, la veine cave supérieure, donc le massif auriculaire avec l'auricule. Quelle auricule, madame? L'auricule gauche et postérieure. Donc c'est l'auricule droit, l'oreillette droite. La veine cave inférieure. Le massif ventriculaire VD, VG. Le VD donc est antérieur. Les vaisseaux pulmonaires. Et ici, le tronc interpulmonaire. On place le feuillet pariétal. Vous voyez qu'il est un peu plus épais. Il déborde un petit peu au-dessus du feuillet viscéral. Une vue postérieure, postérolatérale droite. Donc ici, l'oreillette quoi? Droite, avec l'accouchement des deux veines caves inférieures supérieures, on devine ici les veines pulmonaires, la crosse de l'aorte, c'est pour avoir des rapports anatomiques. Donc vous voyez que le massif auriculaire et ventriculaire sont intrapéricardiques. Donc l'inflammation qui touche le péricarde peut être transmise au myocarde superficiel, auriculaire et ventriculaire, et ça aura des conséquences, on va le voir. Feuillet pariétal, c'est OK. Une vue postérolatérale gauche, donc l'oreillette gauche avec l'accouchement. Des veines pulmonaires, toujours la veine cave inférieure, la crosse de l'aorte avec les troncs supra-aortiques, ça c'est l'artère pulmonaire. On replace quelques organes médiastinaux, la trachée avec la carène et l'oreillette gauche qui est tout de suite en dessous, le diaphragme avec l'orifice de traverse et de la veine cave inférieure, une vue antérieure, donc vous voyez que le cœur repose sur le diaphragme. Et si on replace le squelette, vous avez quoi ici? La xiphoïde et le bas sternum, et puis les dernières côtes flottantes. Alors ce petit angle vide ici, qui ne fait face à aucun organe vital. Vous voyez qu'il n'y a rien ici comme organe vital. Il y a le diaphragme qui permet l'abord du péricarde du cœur à travers ce petit angle-là. Ce sera utile pour les traitements des ébranchements de grande abondance, pour les ponctions, on va le voir. Feuillet viscéral, feuillet pariétal. Et les poumons en place, vous voyez que le cœur est parfaitement dégagé ici, il n'y a pas d'homme inférieur. Rien de particulier ici, le poumon gauche, voilà. Une coupe transverse, coupe de IRM, et une coupe anatomique sur humain congelé, je pense. Alors on a ici les cavités ventriculaires, ça c'est quoi et ça c'est quoi? Où est le ventricule droit? Où est le ventricule gauche? En bas, mais en bas. Dans le VD, le ventricule droit est antérieur. Le ventricule droit est là. Le ventricule gauche est plus postérieur et à paroi plus épaisse. Vous voyez que le myocarde du VG est beaucoup plus épais parce qu'il fait face à des résistances plus importantes. Il fonctionne à haute pression. Alors que le VD fonctionne à basse pression, donc il n'a pas besoin d'être très épais. Sur une coupe anatomique, ici, donc les poumons, le dôme hépatique, l'oreillette, quoi? Droite ou gauche? Droite, parce que ça bouge dans le VD. Et ici, à ce niveau-là, un ligament, ce qu'on appelle le ligament sternopéricardique, qui amarre le massif cardiaque par le biais du péricarde au sternum. Donc c'est sa fonction d'amarrage. Et on voit un petit peu le péricarde et la graisse. C'est vrai, c'est bon, ça y est. Je vais voir tout ça. Le péricarde ici avec la graisse épicardique, et puis le poumon avec la glaire, etc. Et là, est-ce que l'aorte peut être ratatinée comme ça? Il y a beaucoup de pression dans l'aorte, elle n'est jamais collée, elle est toujours très ouverte. Ici, non plus. Vous voyez que c'est une structure tranchée, musculaire. C'est quoi? C'est l'œsophage. L'œsophage est immédiatement derrière le massif auriculaire gauche, qui est intrapéricardique. Donc un épanchement qui se collecte à ce niveau va comprimer l'œsophage. Et on aura des symptômes sur un épanchement péricardique de grande valeur d'abondance. Il y aura un retentissement sur l'œsophage, donc ce qu'on appelle la dysphagie, on va voir tout à l'heure. Voilà. L'aorte est loin, bon, c'est tout. Marc Saint-Fille. Le diagnostic. Alors, comment on commence? Comment on démarre? cheminement diagnostique. Et la première chose, est-ce qu'il est consulté le malade ? Les deux, bien. De manière générale, c'est un signe fonctionnel, donc c'est le motif de consultation. Premier signe fonctionnel en général, qui amène le malade au cours d'un état de péricardite aiguë, c'est la douleur thoracique. Mais elle est inconstante. En général, il y a une petite douleur, mais elle est inconstante. Donc souvenez-vous que l'absence de douleur, si vous avez d'autres symptômes, ne vous permet pas d'éliminer une péricardite. Mais si elle existe, tant mieux. Le problème, c'est que cette douleur ressemble beaucoup à une douleur de type angine. Vous avez fait des syndromes coronariens aigus. Alors, souvenez-vous un peu des caractéristiques et vous allez les comparer à la douleur d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien aigu, quel qu'il soit. Rétro-latérosternale gauche, à type de constriction, d'oppression, de brûlure, donc elle peut avoir n'importe quelle caractéristique. L'essentiel, c'est qu'elle est thoracique puisque le cœur est intramédiastinal. Ces irradiations, elles peuvent ressembler à celles d'une douleur angineuse. C'est en général, on voit les radicaux manquent. Vous l'avez fait en CME. La douleur angineuse. Donc la mâchoire. Un coup d'avoir la mâchoire, les deux épaules, et le dos interscapulaire et les poignets, cette sensation de serrement au poignet. Ça, c'est la description typique de la douleur, mais il y a beaucoup de variantes. Donc on n'élimine jamais un diagnostic sur une description qui n'est pas complète chez le malade. On se méfie, surtout quand vous avez un contexte évolutif. Alors, donc elle peut ressembler à une douleur angineuse, mais ce qui est assez typique, c'est que cette douleur irradie vers le trapèze gauche. Les trapèzes, ce sont ceux-là. L'irradiation au trapèze gauche n'est pas typique dans le bord. C'est pas classique, c'est le cou, la mâchoire, mais pas la région postérieure du cou. Donc l'irradiation au trapèze, quand elle existe, est assez typique de la péricardite. Sinon, elle peut aller au cou, au dos, en bretelle, etc. Donc vous voyez que c'est très variable. C'est une douleur thoracique qui peut avoir beaucoup de caractéristiques assez trompeuses. L'intensité va changer, elle est variable. Ça peut être grosse douleur très intense, ça peut être une petite douleur légère. Elle augmente à l'inspiration parce que l'inspiration fait bouger le médiastin et augmente le frottement. Avec les mouvements, elle augmente en position couchée et à la toux. Donc tout ce qui provoque un ébranlement du massif cardiaque va accentuer la douleur. Et puis, elle résiste. Alors TNT, c'est trinitrine. Hein. Vous connaissez normalement les diminutifs, les acronymes classiques. La trinitrine. Qu'est-ce que c'est que la trinitrine? C'est un vasodilatateur et principalement coronarodilatateur. Donc la trinitrine est un médicament qu'on donne pour traiter quoi? La crise angineuse. Donc, il va dilater les coronaires et lever l'ischémie myocardique et donc faire disparaître la douleur. Est-ce qu'il y a une raison pour que la douleur à péricardite réponde à la trinitrine? Pas de raison parce que la douleur n'est pas due à un spasme, un rétrécissement coronaire, mais due à une inflammation du péricarde. Donc normalement la trinitrine, même si on la donne, n'aura aucune action. Donc si vous avez un doute sur les caractéristiques de la douleur, vous avez essayé le test à la trinitrine, ne donnera rien. Donc elle est trinitro-résistante et assez prolongée. Donc la douleur, quand elle existe, voilà classiquement ses caractéristiques, sinon ça peut changer comme elle peut totalement manquer, ne pas exister. On peut avoir une dyspnée, un type de polypnée superficielle pour deux raisons. Pourquoi? La première raison, c'est que la douleur augmente à l'inspiration déjà. On l'a vu ici. Donc le malade va limiter l'amplitude de ses mouvements respiratoires pour avoir moins mal. Vous aurez une petite dyspnée, un type de polypnée superficielle. Quand on dit superficielle, ça veut dire que l'amplitude des mouvements respiratoires est réduite, de façon à avoir moins de douleur. Sinon, elle peut être due à quoi? Un épanchement de grande abondance qui est progressif. La dysphagie, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'œsophage passait derrière le massif auriculaire, et donc un épanchement soit cloisonné, soit d'abondance suffisante. Le liquide va faire quoi? Il va commencer dans les parties d'éclive. Le liquide suit la pesanteur. Au fur et à mesure qu'il augmente en abondance, il va se localiser jusqu'en haut et comprimer un petit peu l'œsophage. Donc les épanchements, soit de grande abondance, soit cloisonnés à cause de l'inflammation et de la fibrine, cloisonnés derrière l'oreille gauche, peut comprimer l'œsophage et donner une dysphagie. Donc quand le malade arrive avec une douleur, fièvre, etc., et qu'il a une dysphagie, la dysphagie n'est pas classique de l'angoisse. Le malade qui est dans l'ordre n'a pas de raison de faire de dysphagie. Donc si le malade vous dit, ça ressemble, quand j'avale, ça descend mal, vous commencez à penser à un épanchement péricardique. Et puis il y a des signes généraux, donc on a vu les signes fonctionnels, d'accord? Donc ce qui conduit le malade à consulter, et selon l'intensité d'un ou des deux symptômes, c'est celui-là qui va amener le malade. Mais madame peut venir aussi pour une dyspnée, sans douleur. Donc vous allez explorer les raisons de cette dyspnée. Il peut venir pour douleur, il peut venir pour dysphagie, donc ça dépend le symptôme. D'accord? Comme vous pouvez le découvrir fortuitement, cet épanchement péricardique, en explorant une autre pathologie. Bon, mais voilà les symptômes qui peuvent exister. Donc vous examinez maintenant le malade, vous l'avez vu, vous découvrez une petite fièvre, la fébricule en général sur les péricardites simples. C'est une petite fièvre 38-39, pas très intense, sauf que certaines étiologies, on va les voir. Les signes d'examen maintenant, on va rechercher quoi? Des signes d'inflammation du péricarde. Quand on dit inflammation, on dit dépôt de fibrine. Quand on dit fibrine, on dit épaississement du feuillet. Et si les feuillets sont épais et rugueux à cause des dépôts de fibrine, ils vont se toucher et se frotter. Et à l'auscultation, ça va donner un bruit de papier froissé, comme ça, au fur et à mesure. Pendant tout le temps que vous auscultez le malade, vous aurez un frottement de ces deux feuillets. Donc le frottement péricardique est assez typique quand il existe. C'est une péricardite, mais il n'est pas constant, comme pour le reste. Soit parce que, alors il peut manquer, soit parce que l'inflammation n'est pas assez importante, soit parce que l'épanchement est très abondant et que les feuillets ne se touchent pas. Il n'y a pas de frottement. D'accord? C'est clair jusque-là? Donc il est spécifique, mais inconstant, comme pour la douleur. Quand on a la chance de le découvrir, c'est très bien. Quand il n'existe pas, on n'élimine pas aussi le diagnostic, parce qu'on peut avoir des péricardites sans frottement. Alors le siège. Le siège, il est mésocardial. Dans le rétrécissement aortique, qu'est-ce qu'on a à l'auscultation? L'auscultation. Le frémissement se touche, ne s'entend pas. Le frémissement est tactile. C'est le frémissement cathare et susterne. On a un souffle. Ce souffle s'explique par quoi? Donc, c'est une anomalie stéthoacoustique qui est due à quoi en fait? Qu'est-ce qu'on entend? On entend des turbulences d'une colonne liquidienne qui est. Voilà. Traverse un orifice malade. Donc ce que vous entendez, ce sont les turbulences de la colonne sanguine. Elle ne traverse pas un orifice qui s'ouvre bien, elle traverse un orifice rétréci, calcifié, donc ça va donner un bruit de jet que vous allez entendre un souffle. Ce souffle siège où? Il va siéger au niveau de l'orifice valvulaire malade. Et il va irradier avec le sens de déplacement de la colonne sanguine. Donc le souffle du rétrécissement aortique, on l'entend au foyer aortique. Donc celui-là et celui-là, et il va irradier avec le déplacement d'un contraint vers les vaisseaux du cou. C'est clair? Et la partie de tout à l'heure. Alors, dans la péricardite, ce frottement, est-ce qu'il est localisé à un foyer? Non. Pas auscultatoire. Ça n'a pas de raison, parce que le péricarde, en tout le massif cardiaque, donc ce frottement est diffus, il n'appartient pas à un orifice. On ne parle pas de déplacement de colonne sanguine, on parle de frottement. De deux feuillets. Donc il n'a pas un foyer auscultatoire spécifique, il est mésocardiaque. Ça dépend, vous pouvez l'entendre un peu plus haut, un peu plus bas, etc. Donc mésocardiaque sans irradiation. Là aussi, les irradiations, il n'y a pas de raison que le frottement irradie, parce qu'il n'y a pas aussi de déplacement de colonne sanguine sur un orifice malade. Le timbre, donc c'est un bruit de rugueux, de froissement de papier, de cuir neuf, etc. Et le temps, alors, c'est ni systolique, ni diastolique, ni holodiastolique. Là aussi, ce n'est pas un temps d'éjection ou de régurgitation en diastole, etc. On ne parle pas de valvulopathie. Donc, tant que le cœur se contracte, se décontracte, donc bouge, le frottement va s'entendre. Donc, c'est un bruit de va-et-vient. C'est tout le temps comme ça, entre le B1 et le B2. D'accord? Donc, ils n'appartiennent pas à un temps auscultatoire particulier. Ce n'est pas une valvulopathie qu'on entend. Vous avez compris? C'est clair? Donc, un bruit de un rythme de va-et-vient qui encadre le premier et le deuxième bruit. Et l'intensité, son siège, vont changer en fonction du temps, de la position, etc. Donc vous pouvez par exemple l'ausculter aujourd'hui, et le lendemain vous réauscultez le malade, le frottement aura disparu, soit parce que l'inflammation a disparu, il est guéri, soit parce que l'épanchement a augmenté d'abondance et les feuillets ne se touchent plus. Donc, vous voyez que ça peut changer d'un moment à l'autre, alors que l'auscultation d'une valvulopathie, ça ne change pas comme ça en 24 heures. Ça ne change que si on opère le malade. C'est clair? L'intensité, le changement d'intensité de siège n'appartient qu'à la péricardite. Et il persiste en apnée. Pourquoi cette précision? Vous avez fait l'apnée? La pleurésie, la pleurée, l'épanchement pleural avec inflammation de la pleure, la pleurésie pleurique peut s'accompagner d'un frottement pleural. Mais ce frottement pleural va être provoqué par quoi? Par les mouvements respiratoires. Il faut faire bouger le poumon pour que les feuillets pleuraux. Ce frottement, quand le malade respire, on l'entend, quand il expire, on l'entend, quand on dit apnée, on n'entend plus. Pleurésie. Si vous avez un doute entre épanchement pleural péricardique, si le siège est un petit peu latéralisé pour la péricardite, vous dites au malade d'arrêter de respirer et vous continuerez à entendre ce frottement parce que vous ne pouvez pas arrêter le cœur. Vous arrêtez le poumon, c'est tout. C'est bon? Donc la persistance en apnée vous permet de faire la différence avec le frottement pleural. Les signes paraclinics, maintenant, on a eu des symptômes, le motif de consultation, les signes fonctionnels, on a examiné le malade, on a fièvre, frottement, etc. Maintenant, on va faire des examens paracliniques. Alors, douleur thoracique, d'allure un peu angineuse, la première chose qu'on fait, c'est un électrocardiogramme. On va faire un ECG pour vérifier qu'il n'y a pas de signe de syndrome coronaire aigu. Alors, en fait, le péricarde, est-ce qu'il a une fonction électrophysiologique? Est-ce qu'on enregistre quelque chose sur l'ECG d'une personne normale qui vient du péricarde? Est-ce qu'il y a une fonction électrophysiologique? Le péricarde est neutre, rien. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va enregistrer? On dit qu'il y a des troubles de la repolarisation qui évoluent en quatre phases. D'accord? Mais d'où viennent ces troubles de repolarisation? C'est une couche myocardique superficielle. On a vu que le péricarde viscéral était collé myocarde superficiel, donc l'inflammation de ce feuillet péricardique va être transmise au myocarde superficiel et donner ces anomalies-là de la repolarisation. En fait, ce sont des signes de myocardite superficielle qu'on va voir, pas de péricardite, mais ils accompagnent la péricardite. Alors, quatre phases. La première phase va durer quelques heures. Si vous avez la chance d'avoir le malade à ce moment-là, parce qu'en général, les patients tardent un peu à consulter et le premier stade est rare, enfin, je dirais pas rarement, pas très souvent détecté. Le deuxième stade va durer plus longtemps, 24 à 48 heures, parfois un peu plus, il n'y a pas de limite rigide. La troisième phase va s'étendre jusqu'à la deuxième, parfois la quatrième semaine, parfois un peu plus. On a vu des malades jusqu'à 8 semaines avoir un ECG en stade 3. Et le quatrième stade, c'est le retour absolu à la normale du tracé ECG. C'est-à-dire, le tracé ECG du patient avant qu'il ne soit atteint de sa péricardite doit être retrouvé ici. Si le ECG était normal avant, il va redevenir normal. Si le malade avait d'autres anomalies dues à une autre pathologie, elles vont rester, il va les retrouver, mais les éléments de la péricardite, quand elle guérit, doivent disparaître. Péricardite guérie veut dire normalisation totale de l'ECG, c'est clair? Sauf s'il y avait autre chose avant, des séquelles d'HVG, d'infarctus, on n'en parle pas, d'accord? Mais ceux de la péricardite s'effacent. Le premier stade, qu'est-ce qu'il y a? On a un susdécalage du segment ST. Et alors, il est comment ce susdécalage? Vous voyez qu'il est creux en haut, il est concave vers le haut, il n'est jamais convexe. La convexité du susdécalage du ST est spécifique des syndromes coronaires aigus, hein, d'accord, avec le susdécalage. Donc ici, il est concave en haut, un susdécalage concave avec une onté qui est positive. Ça va durer quelques heures et puis le segment ST. Alors, j'ai gardé le stade 1 en noir et en jaune les stades qui vont suivre. Est-ce que vous voyez tous? Non? Le deuxième stade, vous aurez. Avant que je ne vous projette pas, si vous voulez. C'est pas bon, le deuxième stade, on a un retour à la ligne isoélectrique du segment ST. Vous voyez qu'il devient complètement isoélectrique. Et à quoi on repère la ligne isoélectrique? Comment vous repérez le niveau isoélectrique sur un ECG? C'est l'intervalle PR. L'intervalle PR doit être votre repère pour dire ligne isoélectrique. Donc, deuxième stade, le segment ST redevient isoélectrique. Regardez ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'onté? Elle commence à s'aplatir, l'onté. L'onté qui était positive ici, un peu pointue, va commencer à s'aplatir. Le stade 3, après quelques jours, on va avoir cette onté qui commençait à se négativer, à s'aplatir, va devenir négative, pointue, symétrique. Et le segment ST, qu'est-ce qu'il y a eu? Il reste isoélectrique, il ne devient pas sous-décalé. Il n'y a pas de sous-décalage dans la péricardite pure. Dans la péricardite isolée, le segment ST ne descend pas au-dessous de la ligne isoélectrique. Il est sus-décalé, ensuite isoélectrique, et il reste isoélectrique. Et c'est l'onté qui va continuer à bouger ici. Et au bout de quelques semaines, le stade 4, vous aurez un retour à la normale de l'ECG avec un ST toujours isoélectrique et une onté qui se repositive et qui redevient asymétriques, sommets arrondis, etc. C'est clair? Donc ces caractéristiques-là sont importantes à connaître parce qu'elles vous permettent de faire la différence avec un syndrome coronaire aigu. Si vous avez une douleur un peu angineuse et un ECG de ce type-là, vous allez vous poser la question. Et il arrive qu'à ce stade-là, on ne sache pas trop encore faire la différence, donc on va faire d'autres explorations pour trancher. Donc voilà les quatre phases de la péricardite aiguë pure, isolée, et le critère principal, c'est cette normalisation totale après quelques semaines d'un ECG chez un malade qui n'a que sa péricardite. Alors, les particularités de ces anomalies ECG. Alors, il est classique de dire qu'elles sont concordantes et diffuses, ces anomalies de la repolarisation. Vous voyez que ça ne concerne que la repolarisation, ni l'onde P, ni les QRS, ni le PR. C'est juste ces grands ST et T qui sont concernés. On dit qu'ils sont concordants et diffus. La concordance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image inverse entre deux territoires. Tous les stades doivent se voir en même temps sur toutes les dérivations. C'est-à-dire, si le malade arrive en stade 2, toutes les dérivations doivent montrer en même temps stade 2. Vous n'avez pas, par exemple, une onde négative sur un territoire et une onde positive sur un autre territoire. Donc, dans la péricardite aiguë, tout doit concorder. Et on vous expliquera ce principe d'image en miroir dans le cours du syndrome coronaire aigu. Donc il n'y a pas d'image en miroir, c'est ce qu'on appelle le caractère concordant des anomalies ECG. Et elles sont diffuses. Diffuses, ça veut dire qu'elles ne sont pas systématisées à un territoire coronaire. Pourquoi c'est pas systématisé comme anomalie de ECG? Pas de vascularisation. Ça ne concerne pas la vascularisation coronaire, d'accord? Donc on ne parle ni de valvulopathie, ni de vascularisation coronaire, c'est une inflammation diffuse du péricarde. Donc la myocardite superficielle qui existe et qui donne ces troubles de repos, elle est diffuse, elle n'est pas systématisée à un vaisseau. Parce qu'on ne parle pas d'une sténose d'un vaisseau coronaire qui va concerner le territoire qui dépend de ce vaisseau. Donc il n'y a aucune systématisation possible. Est-ce que vous avez compris ou je réexplique autrement? Quelqu'un n'a pas compris? Oui. Vous n'avez pas saisi? Le caractère concordant est diffus. Quand vous avez un syndrome coronaire aigu, qu'est-ce qui se passe sur le plan anapact et sur le plan ECG? La occlusion d'un vaisseau coronaire, d'accord? Et chaque vaisseau coronaire peut vasculariser un territoire précis. C'est pas l'anarchie dans la vasculation du cœur. Chacun se partage une tâche. Donc si par exemple on a occlusion de la coronaire droite, c'est l'infarctus de la paroi inférieure du VD qui va survenir. Donc les troubles, les signes directs de l'infarctus du myocarde, vous allez les observer sur les dérivations qui explorent ce territoire-là. Donc ça sera systématisé à un territoire. Ok? Et sur le territoire opposé, vous allez voir des images en miroir. Maintenant, quand on parle de péricardite, est-ce qu'il y a une raison d'avoir des images en miroir? Est-ce qu'il y a une raison d'avoir des troubles de repos systématisés? Il n'y a aucune raison, d'accord? Parce que c'est une inflammation diffuse. Ce n'est pas de l'ischémie systématisée à un vaisseau coronaire. Donc ce caractère diffus et concordant est très important à rechercher sur le CG de façon à penser à la péricardite. Sinon, vous allez traiter le malade comme un syndrome coronaire et les anticoagulants sont contre-indiqués dans la péricardite. C'est de façon de ne pas faire de bêtises qui peuvent être mortelles. Donc ils sont concordants et diffus, ça veut dire pas d'image en miroir et non systématisé à un territoire coronaire et sans apparition d'onde Q. Là aussi on ne parle pas de nécrose due à un syndrome coronaire aigu. C'est clair, les ondes Q sont un signe de nécrose myocardique. Et il n'y a pas de raison que des ondes Q surviennent sur une péricardite qui va guérir. On a dit normalisation totale de l'ECG à la fin, en fin d'évolution, ça veut dire pas d'apparition d'onde Q et normalisation de la polarisation. C'est clair? Donc ces trois caractéristiques vous permettent de faire la différence. Vous pouvez avoir un sous-décalage du segment PQ. Alors, le segment PQ, c'est le PR, en fait. C'est un sous-décalage descendant du segment PQ qui est très discret. Il faut vraiment le chercher pour le voir. Mais quand il existe, il est spécifique de la péricardite. Là aussi, c'est un élément tout petit, mais très important. Vous voyez que de petits éléments peuvent vous apporter de gros diagnostics. Il ne faut pas chercher parfois de grosses explorations. Si vous êtes observateur, vous avancez dans votre travail. Donc le sous-décalage du PQ, ici, est assez spécifique de la péricardite. On peut avoir un microvoltage. Qu'est-ce que c'est que le microvoltage et à quoi il peut être dû? C'est quoi le microvoltage? Voltage, ça veut dire l'amplitude des QRS, des PQRS. Alors l'amplitude normale d'un QRS est de combien à peu près? À partir de combien on parle de microvoltage? À faire la 5 mm, on parle de microvoltage. À quoi peut être dû un microvoltage? Vous avez un enregistreur et un enregistré. Vous avez un ECG qui enregistre et un myocarde qui est enregistré. Dans la fonction électrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'enregistreur enregistre de petits QRS? Soit l'étalonnage est faussé, donc vous le vérifiez, vous le corrigez. L'obésité. Alors, l'obésité crée quoi? L'épanchement crée quoi? C'est comme la troisième raison. Ça veut dire qu'il y a un obstacle entre les deux, entre l'enregistreur et l'enregistré. Il y a un obstacle, quelle que soit la nature, il va donner un amortissement. Les QRS sont amortis, sont enregistrés petits parce qu'il y a quelque chose qui gêne l'enregistreur, le CG. Ça peut être quoi cette gêne, cet obstacle? Ça peut être de l'obésité, un malade vraiment obèse. Ça peut être un malade qui a une bronchopneumopathie obstructive et qui a beaucoup d'air, une bronchite chronique, le PCO. Donc il y a beaucoup d'air dans les poumons et ça crée un obstacle. Et dans notre contexte, le péricardite, c'est un épanchement de grande abondance. Donc le microvoltage est un élément de gravité. Si le malade a des QRS bas voltés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquide, ça veut dire que le cœur va être comprimé par ce liquide, va être gêné et qu'il faut accélérer la prise en charge. Donc le microvoltage inférieur à 5 mm pour les ondes R est un signe d'épanchement de grande abondance s'il n'y a pas d'autre raison. Bien sûr, vous vérifiez l'étalonnage. Les troubles rythmiques supraventriculaires et ventriculaires. Alors quand il y a un trouble rythmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction électrophysiologique est concernée, donc c'est myocarde, voie de conduction. Plutôt myocarde. Ça veut dire, ça signe ici la myocardite associée, soit auriculaire, soit ventriculaire. Quand vous avez des troubles de l'excitabilité, ça veut dire qu'il y a une myocardite. Et là, on craint quoi? Quand il y a une myocardite, c'est-à-dire une inflammation du myocarde, qu'est-ce qu'on craint? On craint les séquelles. Ça peut ne pas guérir et laisser de la fibrose à la place. Et la fibrose myocardique va évoluer vers la cardiomyopathie dilatée, vers l'insuffisance cardiaque. Donc une péricardite suffisamment sévère pour donner une myocardite associée, on fait attention, on accélère la prise en charge pour éviter au maximum les séquelles myocardiques. Donc les troubles d'excitabilité signent la myocardite associée, donc on doit être sérieux dans notre prise en charge. C'est aussi un signe de gravité. La radio dans le téléthorax, on explore toujours une douleur thoracique, soit on n'est pas sûr des branchements, soit on cherche autre chose. À quoi va servir le téléthorax? Quand vous demandez un examen complémentaire, il faut que vous ayez une idée derrière la tête. Vous ne le demandez pas comme ça n'importe comment. Vous savez ce que vous recherchez derrière cet examen. Quand vous dites au personnel, envoyez-moi le malade pour un téléthorax, vous savez exactement ce que vous avez recherché. Alors, première chose, on va rechercher cardiomégalie ou non. Et cardiomégalie va nous renseigner sur quoi? Est-ce qu'il y a une HPG? Est-ce qu'on parle d'HPG jusque-là? On n'est pas en train de parler de myocarde, on parle de cardite. On est en train de parler d'un épanchement liquidien qui est en train de s'accumuler dans le sac péricardique. Donc la cardiomégalie qu'on recherche va nous renseigner sur quantité de liquide qui existe, sur le volume liquidien, l'abondance de l'épanchement, un petit peu comme le microvoltage. Vous voyez que chaque examen vous donne un renseignement Z. Chacun a son rôle dans votre exploration. Le CG va vous donner des renseignements X, le téléthorax va vous donner des renseignements Y, etc. Et vous concordez tout ça pour faire une évaluation de votre patient. Donc le téléthorax passe, va nous donner une idée sur le volume du cœur. Ça, c'est la première chose. Alors, on a dit que l'abondance de l'épanchement était variable et qu'il y avait des péricardites sèches, sans liquide ou avec très peu de liquide. Donc là, on n'aura pas de cardiomégalie. Donc si vous avez tout le cortège, douleur, frottement, etc., et que le cœur est petit, vous allez vous dire que c'est une péricardite sèche. Mais à la limite, l'échographie peut facilement faire le travail sans risque. Donc l'absence de cardiomégalie n'élimine pas le diagnostic de péricardite. Ça veut dire tout simplement épanchement de faire de l'abondance. Sinon, si on a un épanchement de grande abondance, vous voyez que, comme ici, quand je l'ai schématisé, le liquide va suivre la gravité, donc il va commencer par décliner, et au fur et à mesure qu'il augmente en abondance, il s'étend vers les parties supérieures du cœur et va décoller les deux feuillets. Donc c'est le feuillet pariétal qui va reculer. Et donc la silhouette cardiaque va être recouverte, noyée dans ce feuillet pariétal qui est refoulé par l'épanchement péricardique. Donc le liquide s'accumule à l'intérieur du sac et va donner une cardiomégalie, comme ça. Alors cette cardiomégalie va être aux dépens de quel côté, quel bord, quel arc, quelle structure cardiaque. Dans le rétrécissement aortique, qu'est-ce qu'on a au téléthorax, si on vous l'a fait? D'accord. Donc, il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. Et donc, le téléthorax va montrer quoi? Donc, c'est l'arc inférieur gauche correspond au massif ventriculaire. Donc, c'est lui qui va être convexe, etc., augmenté de taille. Qu'est-ce que vous avez fait aussi comme valvulopathie? C'est tout? D'accord. Alors, dans la péricardite, la cardiomégalie sera au dépend de quoi? Tous les arcs, en fait, c'est pas les arcs, aucun arc n'est concerné. Les arcs sont couverts. Le cœur, en fait, est recouvert. Donc, ce ne sont pas les arcs qui vont changer. Si on enlève l'épanchement, les arcs ne sont absolument pas concernés. C'est le sac péricardique qui s'est rempli et qui va noyer la silhouette cardiaque. Donc, on aura une cardiomégalie qui n'est pas au dépend du bord droit ou gauche, ou l'arc supérieur, moyen, inférieur, gauche. Elle est symétrique. D'accord? Le sac va se remplir de tous les côtés. Donc on aura une cardiomégalie triangulaire, symétrique. Il n'y a pas de convexité ou quoi que ce soit. Donc elle est triangulaire. Il n'y a pas de bord comme ça accentué. Et on aura un aspect de cœur en carafe. La carafe, c'est comme ça. Les vieilles bouteilles qui sont comme ça, triangulaires, avec un goulot. C'est ce qu'on appelle le cœur en carafe triangulaire. Alors le goulot correspond à quoi en fait? Le goulot de la carafe. C'est le pédicule vasculaire, aorte, artère pulmonaire, etc. Donc l'aorte est extra-péricardique, l'artère pulmonaire aussi, donc ils ne sont pas cachés par le péricarde et par l'épanchement. Donc ils vont rester visibles. Donc cardiomégalie symétrique, avec une rectitude du bord droit, il n'y a pas de convexité comme ça des bords, il n'y a pas de raison, c'est le feuillet péricardique pariétal qui recule, et avec des hips qui sont recouverts. Pourquoi? Parce que les hips sont intra-péricardiques. Ensuite, les vaisseaux sortent du sac péricardique. C'est ce qu'on appelle le signe du recouvrement hilaire. Alors que quand il y a de l'HTAP pour d'autres pathologies, vous avez quoi? Quand il y a HTAP, qu'est-ce qui se passe sur la silhouette cardiaque? Bon, on passe. C'est le tronc de l'artère pulmonaire qui va être dilaté. Et quand il n'y a pas d'épanchement, on voit la convexité de l'arc moyen gauche. Donc l'artère pulmonaire est dilatée. Mais là, il n'y a pas d'HTAP. Le tronc d'artère est normal et il est dans le péricarde, donc noyé. Donc les hips sont recouverts par l'épanchement péricardique. Donc le signe du recouvrement hilaire qui est très important pour le diagnostic péricardite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de ce téléthorax pour vérifier les pathologies qui sont derrière la péricardite. Parce que le diagnostic de péricardite est facile à faire. Avec une échocardiographie, c'est très simple à diagnostiquer, à quantifier, à évaluer. Le problème, c'est de diagnostiquer la pathologie qui est derrière cet épanchement péricardique. D'ailleurs, on dit souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez un petit phénomène facile à diagnostiquer, facile à traiter, qui est la péricardite, mais derrière, il y a des pathologies très lourdes, parfois des néoplasies, des maladies de système, etc., et qui sont beaucoup plus difficiles à dépister et à prendre en charge. Donc, chaque examen complémentaire que vous allez faire dans la péricardite va vous servir pas seulement à évaluer et à diagnostiquer la péricardite, ça c'est facile, mais c'est surtout pour chercher un fil conducteur à l'étiologie. Et c'est celle-là qui va nous faire perdre du temps et de l'énergie. La péricardite, en 24 heures, même pas, c'est bon, on a réglé le problème. Mais commence alors l'enquête étiologique qui est beaucoup plus compliquée. Donc ce téléthorax, vous l'avez entre les mains, vous le fouillez à fond, à fond. Donc vous allez tout regarder, depuis le cou, le médiastin, les arcs, donc le squelette, les dômes pleuraux, les coupoles diaphragmatiques se sont déformées, le parenchyme, la plèvre, tout ce que vous pouvez biopsier ou avancer dans votre enquête étiologique parce qu'il faut aller vite. Parfois, la péricardite, c'est le premier symptôme d'une néoplasie débutante que vous pouvez amener à guérison ou en rémission. Donc, vous voyez l'importance d'enquête étiologique. C'est que vous pouvez arriver à guérir pour mettre en rémission un malade lourd. Alors que si on perd quelques semaines, c'est bon. On a des métastases et tout, c'est plus la peine d'enquête étiologique. Donc, ce thorax, on vérifie la plèvre, le parenchyme, le médiastin, les dômes pleuraux, le cou, l'issue des organes de passage, les coupoles diaphragmatiques, si elles sont déformées, les cuves de sac pleuraux, tout ce qu'on peut regarder, le squelette, s'il y a une lisse postale, quoi, on regarde au biopsie, une plèvre, n'importe quoi, tout ce qui est normal en biopsie. Et ça oriente les scanners à demander, les niveaux de coupe scanographique à faire. Donc les variations rapides du volume cardiaque, je vais noter, c'est pour vous faire un petit peu réfléchir. Est-ce qu'un cœur peut se dilater rapidement? Non. Les cavités cardiaques, pour se dilater, ça prend du temps. Donc si vous avez par exemple une valvulopathie chronique, ancienne, qui évolue progressivement dans le temps et qui s'adapte doucement, le cœur a le temps de s'adapter, de se dilater pour maintenir ce débit cardiaque face à une valvulopathie sévère. Maintenant, si vous avez une valvulopathie qui s'installe brutalement, une insuffisance mitrale aiguë par exemple, une rupture de cordage, cette IM aiguë ne laisse pas le temps au cœur de se dilater, d'absorber cet excès de volume télédiastolique, et ça va donner un déséquilibre brutal de l'état hémodynamique qui va aller à l'OAP, à l'état de choc, avec un petit cœur qui n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc, un volume cardiaque qui change rapidement au téléthorax, ça ne peut être dû qu'à une chose, c'est un épanchement péricardique. C'est du liquide qui s'est constitué en quelques heures, parce que l'épanchement péricardique peut se poursuivre très très rapidement en quelques heures. D'accord? Donc si vous avez, en supposant que vous exercez dans un endroit un peu reculé, vous n'avez pas d'échographie, vous n'avez que des radiographies thoraciques pour vous aider avec les malades, faites un cliché aujourd'hui. Le cœur est normal, vous le refaites demain, le cœur a doublé de volume. La seule explication, c'est que c'est du liquide qui s'est constitué pendant ces 24 heures et qui a fait augmenter la silhouette cardiaque, mais pas les cavités cardiaques. Donc les variations rapides du volume cardiaque sont en général dues à un épanchement qui s'est constitué, jamais à une dilatation des cavités. Elles ne se dilatent pas en 24 heures des cavités, c'est bon? Maintenant l'échocardiographie. L'échocardiographie, c'est l'examen le plus fiable, le plus confortable, le plus sûr pour évaluer et diagnostiquer une péricardie. Donc vous voyez que c'est un examen qui est rapide à faire, qui n'est pas invasif, qui peut être celui du malade, la vue parfois en train de l'appareil dans le déplacement. Jusqu'au lit du malade, donc c'est un examen sécurisant, vous ne déplacez même pas le malade s'il est pas stable. Donc c'est vraiment le confort pour l'évaluation des péricardites. Alors le rôle de l'examen, quel que soit l'examen complémentaire que vous demandez, quelle que soit la pathologie que vous traitez, quand vous demandez une exploration, c'est pourquoi? Qu'elle soit biologique, radiologique, etc. Soit c'est pour confirmer un diagnostic, d'accord? Soit c'est pour éliminer, et puis pour évaluer, faire une évaluation de la gravité, du stade évolutif, etc. Voici les trois raisons pour lesquelles on peut demander un examen complémentaire. Quand je vous dis, vous avez toujours une idée derrière la tête. Quand vous demandez quelque chose, c'est pour évaluer, pour reconnaître, diagnostiquer, confirmer, éliminer, etc. Donc l'écho, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confirmer le diagnostic en montrant l'épanchement ici. Là, on a des cavités cardiaques, une coupe un peu bizarre, là. Et puis, ce liquide qui apparaît noir à l'échographie, le liquide apparaissant noir, qui entoure le cœur. Et puis, deuxième rôle, elle évalue la sévérité de cette pathologie, de la péricardie, c'est-à-dire la tolérance de cet épanchement. Est-ce que le cœur tolère cet épanchement ou est-ce qu'il supporte mal ce liquide qui le comprime? Le cœur est au milieu et le liquide est autour, et au fur et à mesure qu'il augmente en abondance, le péricarde, à un moment donné, n'arrive plus à s'étirer pour accepter cet excès liquide et la pression dans le péricarde va dépasser la pression intracardiaque et là, le cœur va commencer à être comprimé. Donc, c'est un rapport de pression entre les deux, entre les cavités cardiaques et la cavité intrapéricardique qui est pleine de fautes. D'accord? Donc, ce rapport de pression, sa façon d'évoluer, va nous renseigner sur la tolérance. Donc, quand le liquide est très abondant, c'est-à-dire que le péricarde pariétal a atteint ses limites de distensibilité parce que c'est très serreux, ça n'est pas très élastique. Ou alors, quand le liquide n'est pas abondant, mais qui s'est constitué très rapidement. Donc le péricarde n'a pas eu le temps de se laisser distendre, comme l'histoire des cavités cardiaques qui ne se dilatent pas vite. La pression va vite augmenter dans ces deux cas, dans la cavité péricardique, elle va dépasser la pression intracardiaque et cet épanchement va comprimer le cœur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à l'écho cardio d'une péricardite mal tolérée? On va avoir des signes de compression cardiaque. Et ces signes de compression vont retentir sur quelle cavité? On va les voir. C'est-à-dire, pourquoi l'oreille droite, pourquoi pas la gauche? Et est-ce que c'est l'oreille droite? Parce que les cavités droites fonctionnent à basse pression. Donc c'est les premières à prendre le choc, c'est les premières à subir l'hyperpression extrinsèque, et c'est en fait le ventricule droit surtout. Ce qui nous gêne, c'est que le ventricule droit soit tellement comprimé qu'il n'arrive plus à se remplir. D'accord? Donc c'est quelle fonction, la systole ou la diastole? C'est la diastole. La systole, elle est normale ou anormale? Sa contractilité? Elle est normale. La fonction contractile du cœur, jusque-là, n'est pas touchée, sauf myocardite importante, sévère, etc. On ne parle pas de ça. La fonction contractile est censée être normale. C'est la fonction diastolique, le remplissage, qui va être gênée par cette hyperpression. Donc on a c'est surtout des cavités droites. Un ventricule droit qui n'arrive plus à se remplir, il ne trouve plus d'espace pour se laisser distendre, et donc son volume télédiastolique va se réduire, et on aura un collapsus du ventricule droit, des cavités droites. À l'écho, c'est le collapsus des cavités droites qui est le premier signe de mauvaise tolérance de l'épanchement péricardique. Donc c'est ça le signe de gravité. Donc si à la longue, l'épanchement continue, qu'on n'a rien fait, on n'a pas évacué, on aura un collapsus total du VT, et c'est ce qu'on appelle quoi? Le désamorçage de la pompe cardiaque. Comme pour les pompes à eau, quand elles désamorcent, quand elles se vident, c'est un cœur qui s'est vidé, qui n'arrive plus à se remplir, qui désamorce. Et donc, si le ventricule droit ne se remplit pas, est-ce que son éjection, sa contractivité sert à quelque chose? À rien, elle a du vide à couper. Et donc, on aura une prostase veineuse, et puis, qu'est-ce qui se passe pour le retour gauche, le ventricule gauche, la pression artérielle? Pour celui qui a dit, on va s'arrêter après 2 secondes. Alors, le débit cardiaque dépend du retour de course, du remplissage VT, artère pulmonaire, retour veineux pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, il n'y a plus rien. Donc on a une chute, le débit cardiaque pique du nez, il dégringole, c'est le désamorçage de la pompe et la mort. Quand la pompe désamorce, c'est le décès. On aura un état de choc avant et décès très rapidement. Donc vous voyez que le ventricule droit est très important à la fonction hémodynamique. S'il ne se remplit pas, il n'éjecte rien. C'est clair? Attention aux faux négatifs en cas de péricardite sèche. On ne verra pas de liquide dans ce cas. Par contre, vous aurez frottement, douleur, etc. C'est clair? Donc l'absence d'épanchement ici aussi, à l'écho, comme l'absence de cardiomégalie, n'élimine pas le diagnostic. Ce sont des péricardites sèches. C'est clair? On avance. Il y a des questions? Si on peut traiter le malade avec d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, il vaut mieux. Maintenant, s'ils nous répondent aux corticoïdes, tant pis, on est obligé. Mais quand on donne des corticoïdes, on s'attend parfois à ce que le malade revienne pour une rechute. Et puis, il y a des autres complications, des constrictions péricardiques. C'est quoi la constriction? C'est quand la péricardite, en fait, ne guérit pas totalement et qu'elle laisse de la fibrose sur place. Quand l'inflammation évolue vers la fibrose, donc ce sont les péricardites assez sévères, et la fibrose peut d'abord, elle n'est pas extensible, donc elle va enserrer un petit peu le cœur, et elle va évoluer vers quoi, la fibrose? Voilà, la fibrose est en général le siège de calcification, et ça va donner une coque calcaire, dispersée comme ça, qui va un petit peu enserrer le cœur, et qui va gêner la fonction diastolique. Ça donne ce qu'on appelle les péricardites chroniques constrictives, PCC, et c'est surtout les formes tuberculeuses, les causes purulentes, celles qui sont liées aussi à une radiothérapie, qui donnent ce genre d'évolution. Les péricardites chroniques constrictives, c'est-à-dire constriction chronique, c'est une diastolie chronique. Alors les complications immédiates, celles qu'on craint, surtout quand le débranchement est abondant, c'est le débranchement mal toléré. Qu'est-ce que c'est que la tamponade? La tamponade cardiaque, c'est une compression aiguë, pas chronique comme celle-là. Ici, on parle de constriction chronique, elle est plus ou moins bien tolérée dans le temps. Là, on va parler d'une compression aiguë, c'est-à-dire que dans l'hémodynamique, il y a quelque chose qui s'est installé brutalement, qui a déstabilisé brutalement la machine hémodynamique et qui va conduire à un état de choc parfois mortel. Alors, la tamponade est une compression aiguë. Donc le cœur a été comprimé de façon rapide et n'a pas eu le temps de s'adapter. Deux situations pour que la tamponade apparaisse. Soit l'épanchement est très abondant, soit l'épanchement n'est pas très abondant mais s'est installé rapidement. Et ça, c'est le problème de distensibilité du péricarde. Soit il s'est vite accumulé, le péricarde ne s'est pas vite distendu, soit il est très abondant et on a atteint les limites de tolérance du péricarde, donc la pression dans le intrapéricardique va augmenter rapidement. Et cette augmentation de la pression intrapéricardique va comprimer le cœur en diastole, surtout en systole, il se rétracte, donc il ne subit pas la pression. Donc cette augmentation des pressions intrapéricardiques va faire que les pressions diastoliques s'élèvent et vont être rejetées en amont. Si le ventricule droit n'arrive pas à se remplir, sa pression va augmenter. Et il va rejeter ses pressions derrière lui. D'accord? Pour se débarrasser un peu de cette chaîne. Donc la pression ensuite va augmenter dans l'oreille. Donc ça c'est ventriculaire, ça c'est auriculaire et ça c'est pression veineuse. Dans l'oreille droite. L'oreille droite, il fallait rejeter à son tour où? Vers les deux retours cap. Pas l'artère. L'artère est loin. Et au-delà du VD l'artère. La part avant le VD, suivez le système circulatoire. Retour veineux, donc 24 inférieur, oreille droite, ventricule droit, qui éjecte dans l'artère pulmonaire, retour la gauche. Donc là, on suit le sens du circuit sanguin. Donc les pressions augmentent, sont rejetées dans le retour veineux, et donc on aura une hyperpression veineuse. Le volume télédiastolique du VD étant réduit, donc le retour vers le cœur gauche va être aussi réduit. Donc on aura une baisse du volume d'éjection systolique du VD, et puis, par enchaînement, du ventricule gauche, et donc on aura une baisse du débit cardiaque. Donc cette baisse du débit cardiaque va faire que la tamponade s'exprime par un état de choc. Toute baisse du débit cardiaque donne une collapsus, son plus grave état de choc. Vous avez compris l'enchaînement? C'est bon? Alors ça, c'est sur le plan physiopathologique. Le cœur droit est comprimé, donc son volume télédiastolique diminue, donc son volume d'éjection systolique est réduit, donc baisse du débit cardiaque. Et ce débit cardiaque qui ne va pas vers le cœur gauche va stagner en amont. Il va stagner dans le retour veineux. Donc cliniquement, qu'est-ce qu'on aura? Si vous réfléchissez, le tableau clinique de la tamponade, première chose, avant. État de choc. D'abord, c'est un état de choc, la tamponade. On a vu une baisse du débit cardiaque. Donc, d'abord, c'est un état de choc. Et cet état de choc, il est cardiogénique, puisque c'est la pompe cardiaque qui est concernée. Ce n'est pas une hypovolémie, ce n'est pas un choc anaphylactique, d'accord? Donc, choc cardiogénique. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi, comme deuxième signe clinique? On a vu qu'il y avait de l'hyperpression veineuse, puisque le retour veineux n'arrive pas à se faire dans le ventricule droit. D'accord? Le retour des deux va stagner, le ventricule droit est comprimé, ne se remplit pas, il se remplit mal, donc il y a une stase en amont. Et elle se rejette vers les veines, vers les veines caves inférieures et supérieures. Donc cette hyperpression veineuse, oui. Hépatomégalie, s'il a le temps de développer son hépatomégalie. En général, elle n'est pas très importante. Elle est à 1 de travers du doigt, mais très douloureuse. Parce qu'elle s'évite, le foie est sous pression, il s'est un petit peu dilaté rapidement. Donc la capsule de Glissot qui enveloppe le foie est sous tension et donne une grosse douleur hépatique. Enfin, de l'hypochondre droit. Et puis, les jugulaires sont énormes. Donc c'est un état de choc avec des signes de stase veineuse, avec surtout de très grosses jugulaires. Ce sont les premières à se voir, même avant le foie. Maintenant, si le malade avait un épanchement chronique qui s'est installé tout doucement, il y a peut-être des œdèmes des membres inférieurs. Et si ça s'installe de façon rapide, des œdèmes n'ont pas le temps d'apparaître. D'accord ? Donc, état de choc avec signe d'hyperpression veineuse. Donc, cliniquement, voilà ce qu'il y a, les signes cliniques. Donc, état de choc avec hypotension et une tachycardie très rapide, parce qu'en fait, il ne reste que la fréquence cardiaque pour adapter le débit cardiaque. D'accord ? Le débit, c'est la formule volume d'éjection systolique multiplié par fréquence. Donc, pour équilibrer cette baisse de volume, c'est la fréquence qui augmente et elle est très rapide. On aura une polypnée, cette fameuse polypnée dont je vous ai parlé, qui peut être due à l'épanchement, avec orthopnée, un coup qui n'est pas sain. Hyperpression veineuse systémique avec des signes droits, d'insuffisance cardiaque droite. Et un coup paradoxal. Le coup paradoxal, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Buschkoff. On a un coup paradoxal, ça veut dire un coup anormal, avec une baisse inspiratoire de la pression artérielle systolique. Alors on précise bien inspiratoire. Le phénomène de Buschkoff, c'est ça, c'est la baisse de la pression artérielle systolique qui dépasse 10 mm de mercure, et cela est observé à chaque inspiration. Pourquoi l'inspiration ? Donc vous devinez qu'il y a des rapports de pression qui changent à l'intérieur du thorax, pression intrapéricardique, intracardiaque, et qui vont varier avec les mouvements respiratoires. Qu'est-ce qui se passe à l'inspiration pour que le pouls diminue et que la pression artérielle chute ? Qu'est-ce qui se passe à l'inspiration de façon physiologique ? Quand on inspire, on peut raisonner toujours en termes de pression. D'accord ? L'inspiration, comment varie les pressions intrathoraciques ? C'est toujours la réponse que me font les étudiants, mais c'est toujours l'inverse. Quand on respire, on dilate les poumons et on réduit, donc le diaphragme descend, on réduit la pression intrathoraciques. Quand vous expirez, surtout à bloc, quand vous expirez à fond, vous augmentez la pression intrathoraciques. Vous avez le visage qui rougit et les veines qui se dilatent quand vous expirez. Ça veut dire que la pression intrathoracique augmente. L'inspiration, on a une chute de pression intrathoracique. Et quand on a une chute de pression intrathoracique, je parle à l'état physiologique, on ne parle pas d'état poétique. Donc cette baisse de pression intrathoracique va permettre au cœur de se dilater mieux en diastole, et donc ça va améliorer le retour veineux. D'accord ? Donc quand on améliore le retour veineux à l'inspiration, on augmente un petit peu le débit. Quand le malade est en tamponade ou en pré-tamponade, c'est pas encore l'état de choc, tension basse, tachycardie, il n'est pas bien. Quand il inspire, qu'est-ce qui se passe ? Il aspire son retour veineux. Donc il réduit ses pressions intrathoraciques, donc le retour veineux s'améliore, il y a comme un phénomène d'aspiration sur le retour veineux. Mais ce retour veineux, où est-ce qu'il va aller ? Puisque le cœur est comprimé par l'épanchement. On a dit qu'il y avait une baisse de la pression artérielle systolique et une disparition du pouls. Vous palpez le pouls du malade et vous lui dites de respirer. Chaque fois qu'il respire, vous perdez le pouls. Et vous mesurez sa pression au dynamap, elle chute quand il inspire. Donc c'est quoi l'explication de ce phénomène quand il y a tamponade ? En fait, quand le malade inspire, le retour veineux s'améliore, mais il a devant lui un VD qui est comprimé, une paroi libre du VD, qui est comprimé par l'épanchement. Donc, ce retour veineux qui s'améliore, où est-ce qu'il va aller ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Le VD va refouler le septum interventriculaire. La cloison septale qui le sépare du ventricule gauche va être refoulée vers le ventricule gauche pour essayer d'accepter ce retour veineux qui s'améliore à l'inspiration. Donc, le septum étant coudé vers le ventricule gauche, c'est la cavité ventriculaire gauche qui va très vite. Donc le volume télédiastolique du ventricule gauche va diminuer. Donc son volume d'éjection systolique va se trouver diminué. Donc l'amplitude du pouls à l'éjection en inspiration diminue et l'amplitude de la pression artérielle systolique à l'inspiration diminue. Donc quand vous avez ce phénomène, ça veut dire que le ventricule droit est en interdépendance avec le ventricule gauche et qu'il n'a pas d'autre moyen pour se remplir que de refouler le septum. Ça veut dire qu'il est très comprimé par l'épanchement péricardique. Donc le phénomène de Gusmol est un critère de gravité, de mauvaise tolérance de l'épanchement. Ça, c'est pour les signes sémiologiques qui vous permettent même de vous passer d'une écho pour dire que le malade est grave, je ne peux pas le drainer. D'accord ? À la limite, parfois, vous n'avez pas besoin d'écho pour évaluer la gravité. Vous avez compris le coup paradoxal et pourquoi ça se passe à l'inspiration. Tout ça se passe à l'inspiration. C'est clair ? Donc, si vous raisonnez en termes de rate de changement de pression, vous avez tout compris. Est-ce que c'est clair ? Oui, vous voyez que c'est logique, la cardio, c'est simple, c'est physique, c'est dans le corps de pression. Donc c'est le refoulement du septum en inspiration pour augmenter l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à l'électrocardiogramme d'une tamponade cardiaque, pas d'une péricardite. Si la péricardite, on s'en fiche. Quand il y a une tamponade, qu'est-ce qu'on va observer? Première chose, vous le savez déjà. Le microvoltage. Déjà, on aura un microvoltage, c'est un signe de gravité, il y a obstacle. Deuxième signe, c'est l'alternance électrique. Regardez ces amplitudes de QRS, PQRST, qui changent une fois sur deux. Vous avez un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. C'est ce qu'on appelle l'alternance électrique. Donc, les PQRST sont alternatives, grand, petit, grand, petit. La distance est pareille, ça c'est moi qui ai dessiné, mais l'amplitude, c'est surtout l'amplitude qui change une fois sur deux. Parce que le cœur ne se remplit pas de façon harmonieuse, il tourne sur son pédicule, il bascule, donc c'est pas la même face myocardique qui fait face aux électrodes. Ça change. Donc l'amplitude de l'enregistreur va donner une variation de QRS. Les signes radiologiques, on aura en général, parce que généralement la tamponade c'est des épanchements très abondants, donc vous aurez à la radio, si vous avez le temps de descendre le malade en radio, vous aurez cette cardiomégalie et à poumon clair. Que veut dire poumon clair et pourquoi ils sont clairs? Poumon clair, déjà, ça veut dire que les poumons ne sont pas surchargés. Ça veut dire que la pression capillaire pulmonaire n'est pas élevée. Sont pas surchargés. Est-ce que la PCP peut être élevée quand il y a tamponade? Pourquoi la pression capillaire pulmonaire peut augmenter? Dans quelle situation? Dans l'OAP. Et l'OAP survient sur quelle pathologie? Du cœur droit ou du cœur gauche? Du cœur gauche uniquement. Le cœur droit ne donne pas l'OAP parce qu'il se situe avant le réseau capillaire pulmonaire. Donc quand le cœur droit est malade, il y a un anémie qui vient du cœur droit. Donc la petite circulation est en basse pression plutôt. Le ventricule droit éjecte peu. Donc, il ne peut pas y avoir d'élévation de la pression capillaire pulmonaire. Par contre, quand le cœur gauche est malade, la stase va retentir sur la petite circulation. Le courant circulatoire, il arrive dans ce sens, vers le cœur gauche. Il trouve un cœur gauche en stase, donc la pression augmente au niveau de la capillaire pulmonaire, au niveau de la petite circulation. Donc, ce sont les pathologies du cœur gauche qui donnent OAP et PCP élevés. Les pathologies du cœur droit ne donnent jamais de PCP élevé. C'est clair ? Donc, dans la tamponade, est-ce qu'on peut avoir une PCP élevée? Mais non, il y a une stase avant la pression capillaire pulmonaire. L'obstacle se situe avant la petite circulation. Donc la petite circulation n'est pas en hyperpression, elle est en baisse de régime plutôt. Donc les poumons restent clairs, une grosse cardiomégalie. Quand vous voyez ça chez un malade qui est en état de choc, vous avez une radio du thorax, un gros cœur avec des poumons clairs, vous pensez tout de suite à une pathologie du cœur droit, donc... Insuffisance cardiaque droite, quelle que soit la raison, tamponade, embolie, etc. En tout cas, ça se situe à droite, pas à gauche. C'est clair? Tout le monde a compris? Donc, cardiomégalie à poumon clair avec alternance électrique, et voilà un ECG d'alternance électrique. Vous voyez que c'est évident à voir. Là, ils disparaissent pratiquement. Donc, c'est un enregistrement simultané des quatre dérivations. Vous avez petit, grand, la même, ça s'efface, il n'y a rien, un complexe, il n'y a rien. Là aussi, petit, grand, etc. Il y a même changement d'axe. voyez, ça veut dire que le cœur ne fait pas face aux électrodes de la même façon. Il tourbillonne. C'est ce qu'on appelle le mouvement pendulaire du cœur qui est comprimé par le liquide et qui n'arrive pas à se dilater. Donc il va essayer de trouver une position pour se remplir et il va penduler sur son petit. Alors, les signes échocardiographiques, justement, c'est cet aspect du cœur flottant avec swinging heart, un cœur qui tourne comme ça, avec un collapsus des cavités dorsales, surtout le VD, et un épanchement de grande abondance. Donc, vous voyez tous les signes cliniques, ECG, écho de la tamponade par rapport à ceux de la péricardite. Le traitement, alors c'est urgent, il faut réamorcer, éviter le désamorçage de la pompe, il faut libérer le ventricule droit qu'il puisse se remplir et apporter sa fonction au système hémodynamique de façon libre. Donc il faut réduire la pression intra-péricardique. Et pour réduire cette pression intra-péricardique, vous avez deux choses. Pour inverser ce rapport de pression entre le cœur et le péricarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit diminuer la pression dans le péricarde, soit augmenter la pression intracardiaque. Donc pour augmenter la pression intracardiaque, qu'est-ce qu'on peut faire? La pression intracardiaque dépend de quoi? Et de la volémie. Donc on va essayer d'augmenter la volémie, on va essayer de forcer, de repousser un peu, en attendant de faire mieux. Ça c'est le premier geste d'urgence, c'est de remplir le malade. Vous mettez un flacon de plasma ou de stérol et vous remplissez le malade. Vous augmentez sa volémie en attendant. Ça va vous permettre de gagner quelques minutes avant le drainage. Donc, pour réduire la pression maintenant intra-péricardique, il faut évacuer le liquide. D'accord? Oui. Ça peut avoir des signes noirs, mais ça ne tue pas le malade. Les signes noirs ne sont pas mortels. Ce qui est mortel, c'est l'OAP, par exemple, si on traitait un OAP. D'accord? Les jugulaires vont se dilater, ça ne va pas tuer le malade. Ça va un peu rétablir le système hémodynamique pour quelques minutes en attendant d'évacuer l'épanchement. Parce que le geste salvateur, c'est l'évacuation de l'épanchement. Donc on va inverser le rapport de pression, on a deux moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est d'évacuer. Soit par ponction, et je vous ai montré le schéma anatomique tout à l'heure. Quand on remet, vous plantez une aiguille ici. Prudemment, en respectant les repères que vous donnent les manuels, donc une aiguille en rasant le bord de la côte et la diphonie, et vous vous orientez vers la clavicule tout en aspirant dès que le liquide vient. Vous arrêtez la progression et vous aspirez. Quelques dizaines de cc suffisent à faire chuter très, de façon très importante la pression dans le péricarde. C'est un rapport exponentiel et le malade va se trouver en quelques secondes amélioré, les jugulaires s'aplatissent, le respire lui se ralentit et tout va bien. Pour le moment, en attendant, de faire mieux, c'est l'enquête étiologique. Donc c'est ça l'urgence. Si vous avez un bloc chirurgical à proximité de vous, comme nous, on a le quatrième étage au-dessus de nous, et que le malade peut attendre l'anesthésie, etc., vous envoyez le malade plutôt pour un drainage. Petit drainage chirurgical, c'est une mini-chirurgie. Et quel est l'avantage du drainage? Quel est l'avantage du drainage? Réfléchissez deux secondes. D'abord, c'est qu'on va laisser un drain de gros calibre. Dans la ponction, on ne peut pas mettre un gros calibre, juste un petit cathéter qui est fin mais bon. Donc le premier avantage du drainage, c'est qu'on a un gros cathéter à marée qu'on va se fixer avec des points et qui va permettre les jours suivants l'évacuation du liquide. Deuxième avantage, c'est qu'on ouvre, on a une vue sur le péricarde, on peut biopsier le péricarde et envoyer pour analyse bactério-anapathe et on avancera à grands pas dans l'enquête étiologique. Donc la biopsie du péricarde est très importante pour le diagnostic étiologique. Donc c'est ça le traitement, évacuation du liquide de façon à réduire les pressions intracardiaques et le diagnostic étiologique, on va accélérer. Donc, il y a beaucoup d'étiologies à la péricardite aiguë. Et c'est votre interrogatoire, les examens que vous allez demander en fonction de ce à quoi vous pensez qui va vous permettre d'avancer. Alors, qui dit étiologie, dit traitement spécifique, donc dit souvent guérison. Les formes les plus courantes, ce sont les formes idiopathiques. Ce sont des péricardites qu'on observe chez l'adulte jeune. Donc la forme idiopathique, vous n'allez pas l'évoquer chez un sujet âgé qui vous fait une péricardite. D'accord ? D'accord. Déjà, l'âge vous oriente vers un groupe d'étiologie. Si c'est un sujet de 67, 70 ans, 50 ans, vous n'allez pas penser à une forme idiopathique. Il faut que vous trouviez une étiologie. Quand c'est un sujet jeune, ça peut être une forme idiopathique à condition d'avoir une lien. Alors, comment se présente adulte jeune, 20 ans, 30 ans, avec un tableau brutal, un tableau clinique très complet, douleur, fièvre, frottement, etc. C'est le grand patron, le malade a très mal inquiet, alors que l'étiologie est banale et que la guérison est totale, il suffit de le mettre au repos avec quelques anti-inflammatoires, type aspirine, en évitant les corticoïdes. Pourquoi ? Pour se préoccuper. Et le malade guérit. Donc l'évolution est bénigne et l'enquête est négative. Ça veut dire, il n'y a rien, vous interrogez, ni accident, ni prise de médicaments, ni syndrome grippal, ni contagion tuberculeux, rien, pas de rhinopathie. Ouais, donc c'est une péricardite nue, très bruyante et très banale. Donc paradoxalement, le tableau clinique est très bruyant, mais l'évolution est très bénigne. Et ça, c'est l'adulte jeune. Si c'est un sujet âgé, on met de côté ce diagnostic. Il faut qu'on trouve quelque chose. La forme virale ressemble à la précédente. La seule différence, c'est que dans l'interrogatoire, vous allez retrouver un tableau de virose dans les 15 jours ou le mois qui a précédé. En général, des syndromes grippales. Donc une fièvre, un rhume, une asthénie, etc. Parfois, une petite réaction pleurale associée. Donc ça devient une polycérite, pleuropéricardite. Et la plèvre est plus facile à biopsier qu'un péricarde. Donc si vous avez une réaction pleurale, profitez-en pour ponctionner, biopsier et voir si ce n'est pas une tuberculose ou autre chose. Exceptionnellement, ça s'associe une carte. Alors les virus ici qui sont le plus souvent incriminés, c'est surtout celui de la grippe et le virus des oreillons, la parotidite. Donc un enfant qui fait une parotidite à la maison, l'adulte va faire une petite péricardite probablement. Le RA, donc vous avez fait le rhumatisme articulaire aigu, donc c'est surtout une endocardite rhumatismale qui va laisser des séquelles. Et la péricardite qui l'associe s'inscrit dans le cadre d'une pancardite. Et la péricardite est très bénigne. Quand elle existe dans le RA, on ne s'inquiète pas. Ce qui nous inquiète, c'est l'atteinte endocardique, l'atteinte valvulaire. Et le traitement va bénéficier de la corticothérapie qu'on va donner pour l'endocardite rhumatismale. Là, on est obligé de donner des corticoïdes pour limiter les dégâts valvulaires. Et la péricardite sera traitée dans la foulée. Donc le diagnostic ici, ce sera tout simplement le diagnostic de la poussée rhumatismale, le critère de Jones. C'est clair ? Donc péricardite rhumatismale dans le cadre d'une pancardite. Et le traitement, ce sera celui du traitement de la poussée rhumatismale, tout simplement. Il n'y a pas de traitement spécifique à la péricardite ici. La tuberculose. Alors, les formes tuberculeuses, qu'est-ce que vous avez retrouvé à l'enquête ? Une notion de contage. Quelqu'un dans l'entourage, voisin, famille, a fait une tuberculose et on a été en contact. Ou alors, c'est une primo-infection. Ou alors, c'est un sujet qui avait une tuberculose dans le passé, qui a été traité, et qui s'est réveillé à partir d'un foyer qui est sain. Et à quelle occasion la péricardite se réveille, la tuberculose se réveille ? À l'occasion d'une baisse de l'immunité, un surmenage, une maladie intercurrente, un éthylisme, une infection, etc. Donc une baisse de l'immunité peut voir se réveiller une TBC à partir d'un ganglion métastique. Le tableau clinique, ce sera quoi ? En plus du tableau de la péricardite. Ce sera le tableau d'une tuberculose, l'asthénie, la fièvre vespérale, l'anorexie, l'amaigrissement, etc. Donc on interroge, l'enquête ici n'est pas négative, donc notion de montage, etc. Le diagnostic, on le fait comment ? Ce sera l'intraverbe en réaction qui sera franchement positive. Et puis ce fameux télétorax, je vous ai dit, vous le fouillez, donc vous cherchez une adénopathie métastinale, une image ronde, une caverne, etc. Et puis, cette fameuse biopsie et culture d'une kit qui va nous montrer les gigantocytes. Alors le traitement, c'est le traitement d'une tuberculose. Et on associe ici, par contre, parfois, des corticoïdes. Pourquoi ? On a vu que la forme tuberculeuse évoluait souvent par la constriction. Donc on veut limiter les remaniements inflammatoires du péricarde grâce aux corticoïdes pour éviter la constriction. Alors l'évolution, c'est ça. C'est le risque hormonal et le risque de PCC. La forme purulente. Alors la forme purulente, on a vu que le péricarde était quand même un système de défense et de protection assez efficace du cœur. Donc pour qu'il y ait épanchement péricardique supérieur et purulent, il faut vraiment que le malade n'ait plus de défense. Dans cette forme virulente aussi, vous n'allez pas l'évoquer chez n'importe qui. C'est des malades particuliers. C'est pas l'adulte jeune en bonne santé, etc. Ce sera un patient qui a toutes les raisons d'être immunodéprimé. Donc un patient âgé, l'âge est un facteur d'immunodépression. Il y a les timides, il y a les maladies chroniques, etc. Donc ces malades-là, à l'occasion d'une petite bactériémie au poivre, peuvent faire un épanchement péricardique virulent. Alors, c'est surtout à l'occasion d'un foyer contigu, une pneumonie, chez un sujet immunodéprimé, peut ensemencer le péricarde par contact direct, par continuité, et donner une péricardite virulente. La chirurgie cardiaque, donc chaque fois qu'on a eu accès directement au péricarde et qu'on n'a pas été très aseptique, pas très propre, on peut ensemencer un germe, et alors là, un germe hospitalier multirésistant. Vous voyez que les péricardites virulentes, ce sont des catastrophes. Ce sont vraiment des pathologies lourdes qui sont difficiles à prendre en charge, en plus du terrain qui se déforme mal. Donc l'âge, l'utilise, l'endocardie, la pneumonie, la chirurgie cardiaque, tous ces terrains-là peuvent donner lieu à des péricardites virulentes, à germes très virulents, parce qu'il faut vraiment que le germe soit virulent pour que le péricarde survive, donc staphylocoque, pneumo, gramme négatif. Le tableau clinique, c'est quoi? Le tableau clinique, donc terrain immunodéprimé avec pathologie lourde, donc il y a une altération sévère de l'état général. Hein. Encore une fois, ce n'est pas l'adulte jeune qui est bien et qui a mal, mais qui est bien en bonne santé. Donc l'état général est très mauvais. La fièvre ici est sévère. Ce n'est pas le petit fébrile de la péricardite, là c'est des fièvres à 40 et 41. Avec un foyer infectieux imminent, en général c'est une pneumonie, et un tableau de tamponnade. Pourquoi particulièrement tamponnade ici? On a vu que la tamponnade s'installer de quelle façon? Deux situations. Soit rapidement, soit abondamment. Alors les suppurations ont les deux choses. Ça s'installe rapidement et abondamment. Vous avez vu les furons. Aujourd'hui, vous avez un petit furon. Demain, vous avez une grosse cavité pleine de pus. Donc le pus se constitue très vite et en grosse quantité. Donc en général, c'est des malades qui font des tamponnades très fébriles avec un foyer infectieux quelque part. Vous voyez que les tableaux cliniques changent. Ils ne sont pas pareils dans toutes les tamponnades, dans toutes les péricardites. La réaction à la formule polynucléaire est très sévère, elle dépasse les 20 000. Alors le traitement, c'est le drainage. Vous ne ponctionnez pas parce que le pus est épais et qu'il ne viendra pas facilement à l'aspiration à travers une petite aiguille. Donc il faut tout de suite proposer au drainage. Pour cette raison d'abord. Deuxièmement, quand il y a suppuration, il y a plein de cloisons de fibrilles, donc il faut laver la cavité péricardique, effondrer les cloisons, faire des lavages quotidiens, et puis la culture, etc. Donc il faut drainer avec un traitement antibiotique adapté à ce que vous avez trouvé. L'évolution, si le malade guérit de sa pathologie initiale, etc., s'il sort de cette situation, généralement il évolue vers la constriction. À cause de quoi? La suppuration qui donne de gros remaniements inflammatoires, cicatriciels, ça va aller à la fibrose et la constriction dans 90% des cas. Donc vous voyez que selon le degré et la gravité de l'inflammation, le malade va aller vers telle ou telle complication. Les formes urémiques, ce sont des formes qui s'installent chez les insuffisants rénaux, en général en phase terminale. En phase terminale des insuffisances rénales, au stade de pré-dialyse ou de dialyse, on va avoir un épanchement à cause de l'hypercolémie et des dépôts d'urate dans le péricarde qui sont très inflammatoires, qui donnent une réaction inflammatoire sévère et qui va s'accompagner d'un épanchement abondant et avec gros remaniements inflammatoires, donc risque constitutionnel. Les collagénoses, toutes les collagénoses, ce sont les maladies de système. Toutes les maladies de système peuvent donner une péricardite et parfois c'est un mode d'entrée dans la maladie. C'est parfois le premier diagnostic qui est posé. On reçoit chez nous des femmes jeunes, donc le terrain là, ce sont en général les femmes d'âge jeune, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui consultent pour dyspnée, fièvre, etc., à tableau droit, qui ont découvert des péricardites, et dans nos étiologiques, on aboutit à une collagénose. Donc ça va, c'est très souvent inaugural, surtout dans le lupus. Donc collagénose et épanchement péricardique vont souvent de pair. Les formes néoplasiques. Alors, les néoplasies, des épanchements, généralement ce sont des sujets âgés, mais attention aux lymphomes des sujets jeunes. Alors généralement, père à âge avancé, mais pas toujours, un liquide qui est souvent hémorragique, on passera. Alors le foyer tumoral, quels Normalement, c'est un mésothéliome. C'est rare que le cœur développe un néo à partir du péricarde. Les mésothéliomes péricardiques sont exceptionnels, mais ils existent. Le plus souvent, ce sont des métastases péricardiques à partir de quoi? Le mélanome cutané, c'est le plus courant. Ou alors, le tumeur loco-régional, envahissement loco-régional à partir du thorax, poumon, sein, etc., œsophage. Donc ce sont ceux-là qu'on recherche au scanner thoracique. Sinon, lymphome et leucose, attention au sujet jaune ici. L'évolution. L'évolution, alors ces épanchements vont souvent vers la tamponade parce que les métastases donnent des réactions et des petites hémorragies qui se reconstituent très vite et abondamment. Donc vous ponctionnez le malade aujourd'hui, le lendemain il en a autant pour reponctionner, donc il faut drainer en attendant d'avancer dans le diagnostic. Alors le diagnostic c'est quoi? Donc c'est les marqueurs tumoraux, ce sont les scanners thoraciques, abdominaux, etc. Donc vous recherchez les biopsies et la biopsie péricardique qui va vous donner un petit peu le type anatomique de la tumeur. Les autres causes, il y a ce syndrome de Dressler qui accompagne l'infarctus. Donc les infarctus peuvent s'accompagner de péricardite et vous les verrez dans le cours du syndrome coronaire aigu. Attention au traitement anticoagulant ici. L'infarctus bénéficie de traitement anticoagulant. La péricardite n'aime pas les anticoagulants à cause du risque d'hémopéricarde, à cause du risque de transformation hémorragique du liquide. Les syndromes post-péricardiotomie. Alors, les syndromes post-péricardiotomie, c'est quoi? Ce sont les péricardites qui surviennent après chirurgie cardiaque. Chaque fois qu'on incise le péricarde, ces formes-là donnent une réaction immunologique excessive qui va s'accompagner d'inflammation et d'épanchement. On peut avoir une péricardite d'origine immunologique chez le malade opéré à péricarde ouvert, quand on opère le péricarde, c'est-à-dire les frontages, les chirurgies valvulaires, etc. Le problème ici, c'est de ne pas passer à côté d'une infection, d'un ensemencement à cause d'une asepsie mal faite. Attention, on ne se précipite pas à donner des corticoïdes parce qu'il faudrait être très bien en corticoïdes. Il faut voir si on n'a pas provoqué une infection à germe hospitalière. Les formes post-radiques, c'est-à-dire après radiothérapie, et en général elles surviennent quelques mois, voire même des années, quelques années après la radiothérapie, et chez un malade par exemple qui est guéri, il peut avoir oublié. Donc votre enquête, l'interrogatoire est important. Vous devez revoir les dossiers médicaux de vos malades. L'anamnèse, etc. Le problème ici, c'est quoi? C'est d'éliminer une récidive, un réveil de la néoplasie avec métastase. Vous voyez, quand je vous donne les étiologies, c'est pour vous permettre de réfléchir rapidement entre deux options. Dans le syndrome post-péricardique, est-ce que c'est une péricardite immunologique? C'est un antituberculeux. Alors, ce malade qui est sous INH, est-ce qu'il fait une péricardite à cause de l'INH ou est-ce que c'est une forme tuberculeuse réelle? Dans ce cas, il résiste. Là aussi, il y a des choses à débrouiller avec les pneumophtysiologues. Vous avez compris un peu ce qu'on va utiliser face à vous. Les traumatismes thoraciques. Un malade qui fait un traumatisme thoracique peut développer un épanchement. Deux mécanismes. Soit c'est un objet tranchant qui a blessé le péricarde, et parfois un vaisseau coronaire, et parfois le myocarde superficiel. Donc, ce sera un hémopéricarde par blessure. Deuxième mécanisme, c'est un traumatisme thoracique à thorax fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blessure, mais un choc antéro-postérieur avec ébranlement du massif cardiaque, contusion du myocarde, et réaction péricardique face à la contusion. Ça sera toujours hémorragique. L'évolution, c'est la constriction, parce que l'hémopéricarde est très irritant, il donne de gros remaniements inflammatoires. Le VIH, donc vos patients HIV+, surtout s'ils sont à un stade avancé, vont récolter tous les germes qui passent avec des épanchements péricardiques à n'importe quoi. Attention aux lymphomes de Kaposi. Les lymphomes chez les VIH sont assez fréquents. On résume. les étiologies. Donc, vous avez bien les quantités. Si vous classez maintenant vos différentes étiologies, et j'ai pas tout mis, il y en a beaucoup, vous avez les formes infectieuses, vous avez les causes auto-immunes, vous avez les causes mécaniques et vous avez les causes métaboliques. Dans les causes infectieuses, vous allez classer toutes les formes virales, les formes bactériennes, sévères, virulentes, et les formes fongiques, à champignons, celles du VIH+. Les formes auto-immunes, qu'est-ce qu'elles associent? Le rhumatisme articulaire aigu est une péricardite auto-immune. Les lupus, polyarthrite, etc. Voilà. Donc toutes les collagénoses. Le syndrome de Dressler est une cause auto-immune. Et les syndromes post-péricardotomie. Cela se classe dans le panier auto-immune. Les causes mécaniques, donc ce sont les traumatismes, on entend le nom. Et les néoplasies. Les néoplasies, là, ce sont des effractions vasculaires. Cause métabolique, vous avez la forme idiopathique initiale, on l'a classée parce qu'on pense que c'est peut-être une cause métabolique. Vous avez l'insuffisance rénale ici, l'hyperuremie, l'hypothyroïdie aussi. L'hypothyroïdie est une cause métabolique à l'épanchement péricardique et certains infarctus. Vous avez vu comment classer votre étiologie et vous orienter votre problème. Maintenant, rapidement. Alors, le bilan étiologique, en fait, comment vous allez conduire votre enquête et vos examens, comment vous allez les étudier? L'interrogatoire, qu'est-ce que vous allez rechercher? Est-ce que le mal a fait un traumatisme? Parce que dans les formes non autres, qui ne sont pas dues à une blessure, ça peut être un accident de la circulation qui augmente à 2 mois. Un choc sur le volant, le malade a oublié, il est en train de faire son petit épanchement tout doucement. Ça peut être une chute d'une hauteur et que le malade a négligé. Les chirurgiens n'ont pas enquêté, etc. Donc, rechercher une notion de trauma. Une notion de douleur angineuse qui remonte à 20 jours ou 15 jours. Est-ce que le malade a eu une radiothérapie dans le passé? Est-ce qu'il prend des médicaments particuliers dont on va fouiller dans les traitements? Est-ce que la malade est suivie pour collagénose? Dans ce cas, c'est une rechute de la collagénose. Est-ce que le malade est sous dialyse? Et s'il y a des penchements, ça veut dire que la dialyse est mal conduite. Donc, on recontacte les néphrologues. Les examens complémentaires que vous demandez, le téléthorax, vous allez rechercher le thorax, pas pour le diagnostic péricardite, comme on le sait déjà, c'est pour l'étiologie, donc parenchyme, métastase, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour le téléthorax, c'est l'enquête. Est-ce qu'il y a une pleurésie, est-ce que le métastase a été marqué, etc. L'électrocardiogramme, ici, dans l'enquête étiologique, c'est pas pour les 4 stades de la péricardite aiguë, non. C'est pour le diagnostic étiologique que l'on cherche, les séquelles d'infarctus semi-récents. Dans ce cas, on pense à quoi? Au syndrome de Dressler. Péricardite avec un ECG qui montre des séquelles biliaires, c'est un syndrome de Dressler. La biologie. Comment elle va nous servir, la biologie? La formule. C'est pas la petite réaction leucocytaire de la péricardite que je cherche, non. Je cherche une cause, je cherche une leucose. Donc une hyperleucocytose qui dépasse les 30 000. Une anémie ischémique, thrombocytémie, hyperplaquettose. La VS, j'ai une péricardite, une inflammation, la VS accélérée. Et ce que je cherche dans mon enquête étiologique, c'est une maladie systémique, donc une VS très accélérée à 3 chiffres. Le bilan rénal, est-ce que le malade fait une insuffisance rénale? L'intradermoréaction que je demande, dans les deux sens, si elle est franchement positive, triténulaire, c'est une tuberculose. Si elle est complètement négative, c'est anormal. Parce qu'en Algérie, on doit tous avoir une réaction faiblement positive. Si elle est négative, ça veut dire qu'il y a un problème d'immunité. Alors, une intradermo-réaction négative, attention à quoi? Aux lymphomes chez le sujet jeune. Les lymphomes et les viroses négatives en réaction tuberculinique. Donc, si vous avez une péricardite, soit c'est une virose, avec une idée négative. Soit c'est un lymphome, si le médiastin a été large, etc. Mais les enzymes cardiaques, c'est pour le syndrome de Dressler. Et puis le reste, les sérologies virales, la chimie, etc. Maintenant, si vous ne trouvez rien, si le malade s'aggrave, s'il a fait une tamponade, il ne faut pas qu'il en fasse une autre, vous allez faire la concernée aux gros examens, le scanner, l'IRM, le dosage anticorps, etc. Et finalement, c'est quoi? C'est le drainage biopsie du péricarde qui va vous permettre d'avancer, de faire une étude à la fin, etc. Et en général, vous avez des éléments d'orientation qui vont vous faire aller plus vite. Dernière plaque, attention, douleur thoracique. Et il est interdit d'anticoagulation de péricardite. Donc vous devez éliminer les autres causes de douleur thoracique qui nécessitent une anticoagulation. Ce sont quoi? L'embolie, l'IDF, la dissection morte, on en parlera une autre fois. Donc c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous ne les ferez pas.